Chapitre 18. Et trouvant en cet endroit une caverne, il y fait entrer Marie, et il laissa son fils pour la garder, et il s'en alla à Bethléem chercher une sage femme. Et lorsqu'il était en marche, il vit le pôle où le ciel arrêtait, et l'air était obscurci, et les oiseaux s'arrêtaient au milieu de leur vol. Et regardant à terre, il vit une marmite pleine de viande préparée, et des ouvriers qui étaient couchés, et dont les mains étaient dans les marmites. Et au moment de manger, ils ne mangeaient pas, et ceux qui étendaient la main ne prenaient rien, et ceux qui voulaient porter quelque chose à leur bouche n'y portaient rien, et tous tenaient leur regard élevé en haut. Et les brebis étaient dispersées, elles ne marchaient point, mais elles demeuraient immobiles. Et le pasteur, élevant la main pour les frapper de son bâton, sa main restait sans s'abaisser. Et regardant du côté d'un fleuve, il vit des boucs dont la bouche touchait l'eau, mais qui ne buvaient pas, car toutes choses étaient en ce moment détournées de leur cours.